Le lendemain, j'en parlais avec maman, dans l'affliction la plus vive et la plus sincère, et tout d'un coup, au milieu de l'entretien, j'eus la vile et indigne pensée que j'héritais de ces nippes, et surtout d'un bel habit noir qui m'avait donné dans la vue. Je le pensais, par conséquent je le dis, car près d'elle, c'était pour moi la même chose. Rien ne lui fit mieux sentir la perte qu'elle avait faite que ce lâche et odieux mot. Le désintéressement et la noblesse d'âme étant des qualités que le défunt avait éminemment possédées. La pauvre femme, sans rien répondre, se tourna de l'autre côté et se mit à pleurer. Chères et précieuses larmes, elles furent entendues et coulèrent toutes dans mon cœur. Elles y lavèrent jusqu'au dernier trait d'un sentiment bas et malhonnête. Il n'y en est jamais entré depuis ce temps-là. Cette perte causa à maman autant de préjudice que de douleur. Depuis ce moment, ses affaires ne cessèrent d'aller en décadence. Annet était un garçon exact et rangé qui maintenait de l'ordre dans la maison de sa maîtresse. On craignait sa vigilance et le gaspillage était moindre. Elle-même craignait sa censure et se contenait davantage dans ses dissipations. Ce n'était pas assez pour elle de son attachement. Elle voulait conserver son estime et elle redoutait le juste reproche qu'il osait quelquefois lui faire, qu'elle prodiguait le bien d'autrui autant que le sien. Je pensais comme lui, je le disais même, mais je n'avais pas le même ascendant sur elle, et mes discours n'en imposaient pas comme les siens. Quand il n'y fut plus, je fus bien forcé de prendre sa place, pour laquelle j'avais aussi peu d'aptitude que de goût. Je la remplis mal. J'étais peu soigneux, j'étais fort timide, tout en grondant à part moi, je laissais tout aller comme il allait. D'ailleurs, j'avais bien obtenu la même confiance, mais non pas la même autorité. Je voyais le désordre, j'en gémissais, je m'en plaignais, et je n'étais pas écouté. J'étais trop jeune et trop vif pour avoir le droit d'être raisonnable, et quand je voulais me mêler de faire le censeur, maman me donnait de petits soufflets de caresses, m'appelait son petit mentor, et me forçait à reprendre le rôle qui me convenait.